بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته من تبع أثارهم اتفهم بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هذه هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فكنا توقفنا أمس في الشرك المحبة وقبل ذلك أخذنا شرط الطاعة l'association dans l'obéissance. On avait dit que à Shirk al-Taha, il y avait deux manières de rentrer dedans. La première, c'est d'obéir à quelqu'un, de le suivre dans tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait. Non. Et la deuxième, c'est dans le cas où cette obéissance-là, elle pousse à faire un acte qui sort de l'islam. Non. Exactement. En rajoutant, on l'avait expliqué, c'est-à-dire que dans la première sourate, dans le premier exemple, dans la première catégorie, c'est-à-dire qu'il le prend comme législateur. C'est-à-dire qu'il le prend comme tabdil, c'est-à-dire qu'il le prend comme si ça venait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme on avait dit, يَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. Ils prétendent que ces choses-là, qu'ils ont interdit alors qu'ils sont autorisés, ou bien qu'ils ont autorisé qu'ils sont haram, ils prétendent que ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Amma l'autre, il sait que ce qu'il est en train de faire, c'est le marsiya. Lakin, bil hawa, il le suit. Et cette obéissance-là le ramène à sortir de l'islam. Il y a ni un regard, il y a ni par rapport à l'obéissance, à la désobéissance plutôt. Donc le premier, il le prend comme législateur. Les choses qu'il interdit ou bien il autorise, il les prend comme si jamais ça venait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il lui obéit dans tout ce qu'il dit. Tandis que le deuxième, il sait que c'est le marsiya. Lakin bil hawa, il suit cette personne-là dans la désobéissance. Ensuite, on regarde le degré de désobéissance. Si jamais c'est une bid'a, on dira bid'a. Si jamais c'est un fisc, on dira fisc. Si jamais c'est un grand péché, on dira s'il a fait un grand péché, ou bien un petit péché, ou bien une mécréance, ou bien hypocrisie, il a fait. Ala hasab. Ça, il l'avait évoqué, Cheikh Islam, rahimahullah ta'ala. Yanni fi majma al-fatawa. Ensuite, on a pu voir Shirk al-Mahabba. Quand est-ce que ça devient du shirk? Pareil, à partir du moment où la mahabba, elle pousse à commettre un acte qui fait sortir de l'islam. Exactement, à Zahwa. C'est-à-dire qu'il va le prendre, il va le suivre, et comme on a pu voir, une personne qui suit une autre, imma li annahu yuhibbuhu aw yakhafu minhu. Il le suit ou l'écoute ou bien il l'adore parce que, soit il aime ou bien parce qu'il craint cette personne-là. Donc cette crainte ou bien cet amour-là va le pousser à faire des choses qui soit vont le faire sortir de l'islam ou soit ne le feront pas sortir de l'islam. Donc ala hasab. Ala hasab yani ma jarrahu ilayhi al-mahabba. Ce sera par rapport à ce que l'aura poussé à faire cette mahabba là. Donc ça c'est à peu près le résumé. Qala rahimahullah, qala an-naw' al-thani. Donc là il a évoqué an-naw' al-awwal qui était shirk al-shirk al-akbar. والآن قال والنوع الثاني قال النوع الثاني من أنواع الشرك شرك أصغر قال وهو الرياء في الحقيقة c'est un exemple parmi les exemples. الرياء c'est un exemple parmi le shirk al-asghar. Et le shirk al-asghar n'est pas limité à الرياء. Il n'est pas limité à الرياء. لكن c'est un نوع من أنواع الشرك الأصغر الرياء وقد يكون أكبر الرياء وقد يكون أصغر الرياء كذلك ça peut être un riya qui fait sortir de l'islam ou un riya qui ne fait pas sortir de l'islam. Fal munafiqun mathalan, ils avaient un riya qui leur ont fait sortir de l'islam. Kama qala subhanahu wa ta'ala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. C'est-à-dire que en apparence, tamam, ils font croire que cette adoration là ils la font pour Allah ya azza wa jall, lakin ils le font yani par crainte de la dunya, par crainte que ils se fassent tuer. Tamam. Fait la prière Asluha n'est pas pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne prie pas pour Allah azza wa jal. Lorsqu'il fait takbir al-ihram, al munafiq, il ne le fait pas pour Allah azza wa jal. Lakin yani pour les biens d'ici-bas, pour préserver sa vie. Fahada c'est le riya akbar, comme a dit subhanahu wa ta'ala. Inna al-munafiqina yukhadi'un Allah wa huwa khadi'uhum. Wa idha qamu ila salati qamu kusala yura'una al-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Ce riya là, c'est le riya akbar. Amma al-riya al-asghar, c'est celui qui évolue ici, yani shirk al-asghar, c'est-à-dire que la personne, il voue l'adoration par Allah subhanahu wa ta'ala. Yani, yukabbir takbirat al-ihram lillahi azza wa jal. il prie pour Allah Azza wa Jal. Lakin, il va faire certains actes yani de cette adoration-là, pour qu'on dise, Masha'Allah, yani, qu'est-ce qu'il prie bien. Yani, il recherche une partie, qui est le madh, le compliment. Qu'on lui fasse des compliments, des louanges, qu'on parle bien de lui. Donc il ne recherche pas totalement, il ne fait pas cette adoration-là totalement pour cette personne-là. Il l'a fait par Allah Azza wa Jal par soumission. Il ne l'a fait pas par soumission de cette personne-là. Cet acte-là qu'il a fait, As-Salah, il l'a fait pour soumission, par soumission par Allah subhanahu wa ta'ala. Lakin, il a voué certains actes qui sont pour Allah Azza wa Jal. Qu'il قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ. Donc la prière, elle est Allah Azza wa Jal. Et tout ce qui touche la prière, tout ce qui est dans la prière, tous les membres, tout ce qu'on fait, tous les actes, et toutes les paroles qui sont dites dans la prière, elles sont pour Allah subhanahu wa ta'ala. Fait lui, il a voué certaines de ces actes-là, ou bien de ces paroles-là, comme ce soit yani, par une belle récitation pour qu'on dise, mashallah, yani, quel bon récitateur. Fait une partie de ces de cette ibadah-là, qui est la salah, certains des éléments, il va les vouer à un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala pour rechercher le madh. Pour rechercher le madh. Naham. Comme a dit l'ulama, naham, al-riya, c'est de rechercher le madh. Comme a dit subhanahu wa ta'ala, il fait une ishara, la nuridu minkum jaza'an wa la shukura. Al-riya, c'est un exemple parmi les exemples du shirk al-asghar. Wa illa al-shirk al-asghar, la définition du shirk al-asghar, comme a dit l'ulama, قالوا هو كل ما نهى عنه الشرع مما هو ذريعة إلى الشرك الأكبر أو وسيلة لوقوع إليه. Ils ont dit les ulama, الشرك الأصغر, c'est toute chose dont Allah subhanahu wa ta'ala a interdit, qui est une issue ou une voie qui peut amener au shirk al-akbar, un intermédiaire ou bien une voie qui peut amener au shirk al-akbar, ou bien les choses dont Ashar il est venu, il a dit que c'est du shirk al-asghar. Donc tu as deux manières de reconnaître shirk al-asghar. La première, la plus simple, c'est lorsque Allah subhanahu wa ta'ala ou Rasuluh, ils évoquent directement que cet acte-là, c'est un shirk al-asghar. Comme مثلاً, par rapport au hadith, inna akhufa ma akhafu alaykum ash-shirk al-asghar. Inna akhufa ma akhafu alaykum ash-shirk al-asghar. Donc ce hadith-là, il nous montre bien que Nabi Sassam, il a bien évoqué cette catégorie-là. Tam thumma, ils ont posé la question. قالوا وما الشرك الأصغر يا رسول الله فقال الرياء. C'est peut-être pour ça que lui, il est venu, il a dit الشرك الأصغر الرياء par rapport à ce hadith-là. C'est peut-être pour ça. نعم. لكن Nabi Sassam, il n'a pas voulu dire que ça se limite qu'à cela. لكن كما قال العلماء, tu regardes, il y a beaucoup de choses dans شرع. Il est venu, il a évoqué, et ça fait partie du shirk al-asghar. Par exemple, le hadith, man halafa billahi faqad ashrak. Celui qui a juré par un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a certes associé. Mais les ulama, ils sont unanimes que le fait de jurer par un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas de la mécréance. C'est pas du shirk al-akbar. Ça fait pas sortir de l'islam. Excepté si jamais, yu'azimuhu kama yu'azim Allah. Parce que la personne, lorsqu'elle jure, pourquoi elle jure par Allah? Parce qu'Allah, azza wa jalla, il est immense. Et l'information qu'il veut te donner, il veut que tu l'acceptes, yani. Donc yani, l'intermédiaire pour que tu l'acceptes, un des intermédiaires et le plus grand des intermédiaires pour l'accepter, c'est le fait de jurer. C'est-à-dire que là, tu es en train de donner une importance à cette information-là par rapport au serment, parce que tu as juré par quelque chose qui est grand et qui est Allah subhanahu wa ta'ala et Allah huwa al-akbar. Donc il y a une personne qui jure par un autre qu'Allah azza wa jalla, il jure par sa mère comme c'est beaucoup yani, utilisé, yani il veut donner de l'importance à cette information-là par la vie de sa mère et la khairie, parce que c'est une chose qui est pour lui est très importante ou qui est la plus importante. Donc là, yani, c'est là que ça rentre un peu l'association dans l'importance, yani dans l'immensification, si ça me ça se dit. Yani fit ta'zim. Parce qu'il est en train d'envoyer immensifier cette personne-là peut-être d'un degré qui est tel que celui qui jure par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc certains même, ils ont dit que ça peut être même du shirk al-akbar, si jamais il immensifie cette personne-là comme il immensifie Allah azza wa jalla. Lakin hada, ce degré d'immensification, il est dur à limiter, yani à partir de quel moment ça rentre dedans, tu vois. À moins qu'il dit, voilà, il le dit clairement, Anna, j'immensifie ma mère comme j'immensifie Allah. Là, c'est clair et net, intaïna. Si jamais il jure et il dit cela, en plus, là, il a vraiment nous a fait peur que voilà, il a immensifié cette personne-là, comme il a immensifié Allah Azzawajal. Lakin, sans yani l'approbation de cette personne-là, c'est difficile de dire que c'est le shirk akbar. C'est pour ça qu'ils ont dit les ulama que le halif bighayrillahi Azzawajal, c'est le shirk asghar. Parce qu'on n'a pas les clés, les choses qui nous permettent de pouvoir dire que cette personne-là, lorsqu'elle a juré, il a immensifié autre qu'Allah Azzawajal comme il immensifie Allah Azzawajal. Le simple fait de jurer, on ne peut pas se permettre de juger comme ça. Lakin, comme ils ont dit là, c'est quoi? C'est une wasila, donc c'est un intermédiaire qui peut l'emmener à immensifier cette personne-là comme elle a immensifié Allah Azzawajal. C'est pour ça qu'ils ont dit c'est un shirk quoi? Shirk asghar. Par rapport à la définition. Kullu ma naha anhu ash-shara'. Tout ce que ash-shara' kitab Allah, yani Allah wa Rasuluh, ils ont interdit mimma huwa dhari'atun ila ash-shirk al-akbar aw wasilatun lil wuqu'i fi. Tout ce qui va être un intermédiaire, un moyen d'arriver à Al-Shirk al-Akbar, ça fait partie du Shirk al-Asghar. Ou bien, les textes dans lesquels est venu que cette chose-là, c'est du Shirk al-Asghar. Comme par rapport au hadith, « Inna akhwafa ma akhafu alaykum al-Shirk al-Asghar. Qalu ma huwa ya Rasulullah qala al-Riya. » L'ostentation. Donc, ça c'est la définition du Shirk al-Asghar. Et « Hukmu hu » comme on a pu le voir, c'est « An Allah subhanahu wa ta'ala la yakhfir li sahibih. » إن ما تعذلك على الصحيح يعني خلاف بين العلماء كما نبيه وكذلك أن عمله لفظ كي لغفي يعني عليك باطلة وكذلك صاحبه يعني في الآخرة في بابرتي دي مخلد في النار نعم دوك يعني يدخوا ججمان par rapport à cela est-ce que يخلد في النار est-ce que il est pardonné في الآخرة si jamais il n'a pas fait توبة et est-ce que son œuvre elle est annulée ou bien est-ce que c'est toutes les œuvres qui sont annulées? Donc ça c'est trois questions qui sont par rapport au shirk al-asghar, les trois hukm. Ça c'est la définition et c'est son hukm. Et comme on a pu rappeler, shirk al-asghar bima'na annahu akbar al-kaba'ir. Même si on dit shirk al-asghar, yani c'est pour différencier du akbar. Et c'est le Nabi sallallahu alayhi wa sallam qui l'a appelé comme cela. Inna akhwafa ma akhafu alaykum al-shirk al-asghar. Lakin, il n'est pas sérieux. Kullu dhanbin, comme a dit le ulama, toute personne qui a désobé Allah Azzawajal, il a certes fait commis un grand péché. Dans le sens où il a désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala qui est l'akbar, qui est le plus grand, qui est l'azim subhanahu wa ta'ala. Comme ils ont dit certains salafs, ils ont dit ne regarde pas le degré du péché. Mais lakin regarde celui dont tu as désobéi, qui est Allah Azzawajal. Yani, par cette démarche-là, tout péché pour cette personne-là, il va être grand. C'est pour ça que certaines personnes, parmi les ulama, ils ont dit que الذنوب كلها أكبر. Il dit il y a pas de petits péchés. Tous les péchés sont grands. Pourquoi? Parce que يعني من حيث هذه الحسية. Par rapport à ce point de vue là qui est que celui qui désobéit Allah عز وجل il a désobéi à من هو أكبر. قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. كما في هذه الآية. يعني comment vous pouvez vous permettre de mécroire à celui qui a créé la terre en deux jours? Et vous lui mettez des égaux à Allah subhanahu wa ta'ala. Zalika Rabbul Alamin. Yani, comment vous pouvez vous permettre d'avoir cette mécréance-là avec Rabbul Alamin, qui est immense. Yani. Tu ressens par ce qu'Allah, Zalika Rabbul Alamin, ta'zim. Yani, c'est grand ce que vous êtes en train de faire. Parce que vous êtes en train de désobéir à Allah Azzawajal, le grand. Fa, shirk al-asghar, comme on a pu voir, c'est encore pire que tuer toutes les personnes sur la terre. C'est encore pire. Celui qui prie et qui fait ria, il fait une prière. Une raka'a, ça, hatta. Une raka'a, dans la raka'a, il a lu le basmala, ou il a lu, comment ça s'appelle, al-fatiha. Wa yurid bidhalik al-madh, qu'on dise, mashallah, yani, quelle belle lecture. C'est encore pire que tuer toutes les personnes sur la terre. Naam. Parce que hada, la yaghfiruhu subhanahu wa ta'ala. Yawm al-qiyamah. Il ne le pardonne pas. Tandis que celui qui aura tué toutes les personnes, il est sous la menace. Incha'a ghafra lahu, incha'a adhaba. Amma hadha la yaghfir lahu. Y'a pas. Naam. Baqiya al-shafa'a. Il peut donner l'intercession et l'épargner. Lakin la yaghfiruhu, subhanahu wa ta'ala. Ma'ana zalika, il est bariz. Il est apparent yawm al-qiyama fi mizan al-sayya'a. Wa ma asqala. et qu'est-ce qu'il est lourd ce péché-là. Fa nasallahu subhanahu wa ta'ala assalamu alafi fa pa haqqar al-ashya comme قال النبي صلى الله عليه وسلم قال اياكم محقرات الذنوب. Prenez garde de mépriser les péchés. Quand tu dis c'est un petit péché donc c'est rien yani Allah il va me pardonner. Il a dit fa inna mithla muhaqqarat adh-dhunub ka rajul dhahaba bi wadin wa akhadha yani al-'awd. Il prend des petits bâtons. Il fait un petit bâton avec un deuxième, avec un troisième, avec un quatrième. Qala thumma awqada an-naran. Ensuite il a fait un grand feu. Fa qala wa kadhalika muhaqqarat adh-dhunub fa idha akhadha sahibahu ahlakathu. Il dit tel est l'exemple yani des muhaqqarat adh-dhunub de celui qui méprise les péchés ou qui les voit petits yani. Il dit yani hada yuhliku, un petit avec un autre petit avec un autre petit avec un autre petit, ça devient une yani un problème, une perte yani. Fa il faut pas mépriser les péchés, tous les péchés sont immenses yani, dans le sens où on a désobéi à quelqu'un qui est immense, qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Fa ash-shirk al-asghar hada akbar al-kaba'ir, akbar al-kaba'ir qala rahimahullah. Donc là on a connu la définition, on lit le dalil. Qala wa dalil qawluhu ta'ala فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. فهذه الآية كذلك تشمل يعني الشرك الأصغر والأكبر. على انقلب les deux catégories du shirk. قال سبحانه وتعالى فَمَنْ كَانَ أَمَّنْ هُنَسِ بِمَعْنَى شَرْطِيَّ. يعني il est conditionné à celui qui prétend vouloir rencontrer Allah عز وجل de faire les choses qui sont demandées derrière. C'est les conditions qui montrent que cette personne-là, est-ce qu'elle a vraiment une espérance. فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْ اَيْ إِنْ كَانَ يَرْجُوْ فَمَنْ كَانَ بِمَعْنَا إِنْ كَانَ. Si jamais vraiment il espère لِقَاءَ رَبِّهِ de rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala وَاللِقَاء بِمَعْنَا كَذَلِكَ الرُّؤْيَا. Tous les versets ou bien les dalils qui montrent, qui évoquent la rencontre, كَذَلِكَ ça englobe le fait de le voir. Parce qu'une rencontre, elle ne peut être que faite qu'avec la vision. قال فمن كان يرجو لقاء ربه اي ان كان حقا يرجو لقاء ربه قال فليعمل وهذا هو جواب الشرط قم يزبق النحو وجوابه وجزاؤه لا ريبونس اي لا ريكومبونس تمام. قال فمن كان اي ان كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا il faut qu'il œuvre comme on a pu voir celui qui espère et qui n'œuvre pas on appelle ça comment الطمع نعم يطمع في لقاء ربه لكن لا يعمل به فهذا طمع ou bien tu peux dire رجاء مذموم tu peux dire aussi comme cela c'est un رجاء qui est مذموم qui est critiquable. قال فمن كان يرجو فإذا إيش فليعمل est-ce que juste il offre عملا صالحا il faut que cette œuvre là soit conforme au suivi du prophète صلى الله عليه وسلم. قال العلماء هنا العمل الصالح c'est متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم الإصابة. C'est le fait de œuvrer en conformité avec la guidée du prophète, alayhi salatu wassalam. Donc ça montre que parmi les conditions de l'action, de l'œuvre, il faut qu'il y ait la mutaba'a. Sinon, ce n'est pas accepté. Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad. Cette ayah-là, c'est comme le hadith, Aïcha qui est connu. Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad. C'est rejeté. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas la. Il n'y a pas l'accord du prophète sur cette œuvre-là. قَالَ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Et qui n'associe pas Allah Azza wa Jal. Yani qui n'associe aucune personne à Allah Azza wa Jal. Aucune chose à Allah subhanahu wa ta'ala fil ibadah. Donc ça montre la deuxième condition qui est quoi? Al-ikhlas. Lillahi Azza wa Jal. Et هنا, ça comprend les deux sortes de shirk. La yushrik, bimahana la yushrik shirk al-akbar. C'est-à-dire l'adoration qui est vouée yani, totalement, du début, à un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Ou l'adoration qui voit Allah subhanahu wa ta'ala, yani, la personne se soumet à Allah azza wa jal, il prie par soumission à Allah azza wa jal, il somme par soumission à Allah azza wa jal, il fait le hajj par soumission à Allah azza wa jal. Lakin certains actes dans le hajj, dans la salat, dans le somme, il est fait pour qu'on dise, masha'Allah, qu'est-ce qui le fait bien. Fahada kadhalika la yanfa'. Lakin, le premier, il annule toutes les œuvres, et le deuxième qui est al-riya, il va annuler cette action-là. L'action qu'il aura fait, l'œuvre qu'il aura fait, elle sera annulée. Naam. Tu veux dire Yannick, quand on dit qu'il annule cette œuvre-là, oui. Dans le salat, il fait une raka, par exemple, les raka'at avant, نعم il obéit sa récitation pour les gens, pour recevoir les honneurs, etc. Ouais. On dit pas simplement ça, le raka qui est annulé. C'est la salat. C'est la salat. Pourquoi? Parce qu'une des conditions de la ibadah, c'est niya, de la salat. Et là, la niya, il faut qu'elle soit khalisa lillah azza wa jal. Il ne faut pas qu'elle soit partagée. La niya, elle a été un peu partagée. Donc là, une des conditions de la prière, elle est annulée. Sa prière, elle est annulée. La prière totalement, elle est annulée. Non, même si jamais il a juste embelli Alhamdulillah Rabbil Alamin. Pour qu'on dise, Masha'Allah al-Mubarak. Qu'est-ce qu'il a bien lu ce verset? Non. Na'udhu billah. Fa al-shirk al-asghar, fa hadha, c'est un shirk khatir jiddan. Parce que c'est Nabi Sam, il a dit quoi? Inna akhwatha ma akhafu alaykum. Il n'avait pas peur pour eux du shirk al-akbar. Il y en a par rapport à ce qu'il a pu voir ou peut-être ce qu'Allah Azzawajal lui a transmis et révélé, qu'il n'y avait pas de crainte à avoir pour sahaba par rapport au shirk al-akbar. Comme il a dit dans le hadith al-akhar, « Inna shaitan qad aïsa an ya'budahu al-musalluna fi jazirati al-harab, walakin fi tahrish. » Yani le shaitan, il a désespéré, yani tous les stratèges qu'il met en place pour que les sahaba yushrikuna billahi azawajal, fahada il a laissé tomber. Yani il voit qu'il n'y a pas moyen, c'est pas possible. Lakin il y a un autre intermédiaire de pouvoir quand même aussi, leur faire du mal et les nuire. At-tahrish, le fait de yani faire de querelles entre eux. Fahada yadul ala anna qulubuhum, ils étaient qawiyya fil iman. Al-islam wal iman wal ikhlas étaient bien ancrés dans leur cœur. Lakin malgré cela, il y a une catégorie du shirk que Nabi sallallahu alayhi wa sallam il redoutait pour eux. Il faut savoir à qui il parlait. Là, on parle de qui? As-sahaba. Manhum alladhina kassaru al-asnam. C'est ceux qui ont cassé les asnam. Ils ont détruit. Wa jahadu fillahi haqqa jihadi. Ils ont fait le jihad fi sabilillah hatta ba'duhum kana yani ghadaban ilayhi azza wa jalla qatala akha ou qatala aba. Il a tué son père ou bien ses frères par amour pour Allah subhanahu wa ta'ala. Qatala qabilatahu. Il a combattu sa tribu. Et Allah subhanahu wa ta'ala sait à quel point les Arabes ils donnent l'importance à la tribu, à ces choses-là. Faqatala yani man kana min qabilatihi. Sa mort yani vraiment l'ikhlas. Wa ibtira wajhi Allah subhanahu wa ta'ala. Malgré cela, il a dit, hada huwa mimma akhafu alaykum. Donc si jamais ça c'est le cas pour Sahaba, que dire pour nous? Que dire yani pour ceux qui sont venus après? Ash-shirk al-asghar, man haqqaqa at-tawhid, c'est obligé qu'il a peur du shirk. C'est obligé qu'il ait une peur yani da'im du shirk. Comme on peut voir avec Ibrahim. Wa junubani wa bani an a'bud al-asnam. Ça c'est Ibrahim Abu al-Anbiya. Yani c'est al-mukhlis, le sincère. Malgré cela, il a eu peur. Pas que pour lui, pour sa descendance aussi. Et parmi sa descendance, des Anbiya. Parmi la descendance, Hawla al-Anbiya. Ils ont dit les ulama, comme a dit Ibrahim al-Taymi, Man ya'man al-bala ba'da Ibrahim. Qui est à l'abri de cette épreuve-là, qui est le shirk, après Ibrahim? Après qu'il ait dit cette parole-là, personne n'est à l'abri. Comme on a pu voir avec la parole de l'imam Ibn Qayyim. On a plus ces points-là parce que c'est des points que l'Abu Damin, comme on a pu voir. Tous les jours, on est confronté à cela, parce que tous les jours, on œuvre. Donc tous les jours, c'est des remises en question. Donc ça, c'est da'im. Ces rappels-là, il faut se les faire même à chaque œuvre, à chaque parole. Parce que ta niya peut vite, tu fais quelque chose pour qu'on dise, mashallah, ça peut aller très très vite. Donc ça, c'est des points, on appuie énormément parce que frère, on a besoin. Da'iman, da'iman wa abadan. Fal ghafla fihi, c'est le fait d'être insouciant à cela, c'est le khatar. C'est le khatar. Juste par rapport à la parole du prophète. Akhwafa ma akhafu alaykum. La chose dont je redoute le plus pour vous. Donc ça, c'est une chose qu'il faut se rappeler d'Aïman. C'est pour ça que ils avaient évoqué un exemple. C'était Cheikh Mohammed Ibn Ibrahim, yani Mohammed Ibn Ibrahim, le mufti, Sabiqan, c'est celui qui était avant Cheikh Ibn Baz. Le grand-père de Salah al-Sheikh, Mohammed Ibn Ibrahim. Ils évoquent yani, que certains de ses élèves, ils avaient eu du malal. Yani tawhid fahimna. C'est bon, on a compris tawhid. Il les a mis à l'épreuve. Il a dit, ما قولكم في رجل فعل بأمه كذا وكذا إلى كان كفي الفحشة مع أمه فاستنكروا ذلك إنكارا عظيما. Ils ont réprimandé ces choses-là. Ils l'ont critiqué يعني, d'une manière forte. فقال وما قولكم في رجل مر بقبر فطلبه. Que dites-vous d'une personne? Quel est votre point de vue sur la personne qui passe à côté d'une tombe et qui demande à cette personne-là dans la tombe? فانكروا لكن ليس كإنكارهم للمثال الأول. Ils ont réprimandé cela, لكن pas d'une manière aussi forte qu'ils l'ont fait pour la première. فقال فإذا ما فهمتم التوحيد. Donc vous n'avez pas compris Tawhid. Et vous n'avez pas compris Shirk. Parce que ça, c'est un péché qui fait sortir l'islam. Le fait de demander à un autre qu'Allah Azza wa Jal. Même si jamais il fait le fahish al-azima, amam al-nas, même hatta qul, amam yani fouk al-ka'ba, au-dessus de, comment s'appelle la Ka'ba, ça ne fait pas sortir l'islam. Mais maintenant, si jamais tu poses la question à une personne, tu vas voir ce qu'il va te dire. Test, tu verras. Tu dis, que penses-tu d'une personne qui fait le fahisha ma'a ummihi devant un nas, fouk al-ka'ba? Tu verras sa réaction. Et tu lui dis, une personne qui est passée, il a demandé à quelqu'un, yani min ashab al-kubur. Tu verras sa réaction. Fahada yani fil haqiqa, yani c'est un misal qui est azim. Al-shirk wa tuhid, ça c'est des choses que la bouddha wa la bouddha, il faut qu'on les azim. Il faut que ce soit les péchés dans nos cœurs qui soient les plus détestés. Al-shirk. Qui soit le plus détesté et le plus redouté. Naam. Fahada, lorsque le cœur il aura atteint ce niveau-là, alhamdulillah, yani ala khair. Madame, le cœur il répond pas, laquelle on essaie de le réveiller. Il faut essayer de le réveiller. Jusqu'à ce que le cœur, yani, il redoute, yani, le shirk, comme, yani, l'a redouté, yani, haoula l'anbiya. Alors qu'ils avaient, ils étaient marsoum. C'est impossible qu'un nabi, il tombe dans le shirk. C'est impossible. Malgré cela, il a eu peur. Yani, si jamais t'es à l'abri de tomber dans une chose, tu peux te dire, ben, j'aurais pas de crainte, yani. Malgré cela, il a eu une crainte. Donc c'est pour dire vraiment que ce péché-là, il faut le hafdam dans le qalb, il faut que le cœur, il tremble. Il faut que le cœur tremble. Donc il faut se rappeler énormément pour que le cœur se réveille. Surtout, on est dans le zaman dans lequel on est. Al-fawahish, elles sont muntashira, elles sont répandues. Waqilat al-ahwan, il y a peu de gens qui te rappellent. Enfin, ces choses-là, kazalika, ça n'aide pas. Donc il faut vraiment faire les efforts pour que on déteste les choses, yani, comme elles se doivent. قال رحمه الله تعالى قال والنوع الثالث من انواع الشرك الشرك الخفي comme on a pu voir ça c'est في الحقيقه c'est un قول qui n'est pas صواب c'est pas une catégorie à part et حتى j'avais évoqué dans un des dars que j'avais pu voir aussi cette catégorie là dans un des livres de Cheikh Ibn Baz au fait c'est l'inverse Cheikh Ibn Baz رحمه الله تعالى il évoque il n'y a pas de différence que le shirk al-khafi ça peut rentrer dans le shirk al-akbar ou bien dans le shirk al-asghar. Et que le shirk ينقسم لقسمين فقط أصغر وأكبر وأما الشرك الخفي c'est une sifa comme on a pu voir donc c'est l'inverse yani. Je me suis trompé c'est pas Cheikh Ibn Baz qui évoque yani, qui approuve cette aqsam c'est anwa' lakin au contraire il réfute il a réfuté cela comme dans Majmou' al-Fatawa lakin il faudrait que je me rappelle si vous c'est pas dans Kitab Tawhid j'avais un vague souvenir de cela inshallah tabarak wa ta'ala en tout cas dans Majmou' al-Fatawa dans le Majmou' al-Fatawa de Cheikh Ibn Baz le premier volume, la page 33 à 34, il évoque ici, rahimahullah ta'ala, que cette catégorie-là, fil haqiqa, elle n'est pas sawab. Donc, on a, quand le shirk khafi, comme on a pu voir, khafi bimana, c'est le dit de jari. C'est une chose qui est khafi, c'est pas zahir. Al-khafi, bimana, c'est un attribut, c'est pas une catégorie. Qala wa dalil alayhim qawluhu sallallahu alayhi wa sallam, al-shirku fi hadhi l'umma, akhfa min labib al-namnati sawda. على صفات السوداء في ظلمة الليل. نعم. هذا الحديث، il est authentic. Dans cette chaîne de transmission là, il y a un rawi, un rapporteur qui s'appelle Layth ibn Abi Sulaym. Layth ibn Abi Sulaym وهو ضعيف. Cheikh Ibn Hizam, حفظه الله, il a évoqué que ce hadith là n'est pas authentique. Comme dans Fath al-Majid, il a fait une investigation, un tahqiq. Il évoquait qu'il n'est pas authentique par rapport à ce Rajul-là qui est dans Sanad. Le Rajul est Kazalika son Cheikh. Le Rajul, il y Ibn Abi Sulaym, il est daïf, ça c'est clair et net. Il n'y a pas à polémiquer sur cela. Et son Cheikh, Kazalika, il n'est pas connu. Mais peut-être qu'il y a une autre tariqa qui est venue par des rapporteurs autres que cela, donc il faudra regarder. Al-Muhim, Inch'Allah, on reste sur le fait qu'il n'est pas authentique et on regardera ça, Inch'Allah, plus en détail demain. malgré qu'il n'est pas authentique, comme il dit Cheikh Al-Albani. Sahih al-ma'na, da'if al-mabna. Sahih al-ma'na, le sens il est sahih. Wa da'if al-mabna. La chaîne de transmission n'est pas authentique. Qala wa dalil alayhi qawluhu sallallahu alayhi wa sallam, qala ash-shirku fi hadhihi al-umma. Le shirk dans cette umma là, dans cette communauté là. Akhfa min ad-dabib an-namla. Akhfa min dabib an-namla as-sawda. Tamam. فقال هنا قال الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النملة السوداء. encore plus imperceptible que quoi الدبيب النملة يعني c'est la petite fourmi السوداء qui est noire. قال على صفا السوداء الصفا بمعنى الحجر. يعني qui est sous ou bien qui est sur plutôt qui est sur une pierre qui est noire. comment tu vas la retrouver? une fourmi noire sur une pierre qui est noire dans une nuit qui est obscure. va la retrouver. Yani Dabib al-Namla, ça fait partie des plus petites créatures. Fouq Zalika, elle est de couleur noire, sur une pierre noire, dans une nuit qui est obscure. Comment tu vas la trouver? Yani, c'est khatir. C'est pas voyant, yani, bimana. C'est pas apparent. Toute personne peut tomber dedans. Comme on a pu le voir. Al-Bahar, alladhi la sahila lah. Wa qalla man yunju. C'est un peu aussi la même parole de Ibn Qayyim. La mer qui n'a pas de côte. Et peu sont ceux qui en sortent, sains et saufs. قال وكفارته قوله صلى الله عليه وسلم كفارته الشرك الأخفى كما قال. لكن في الحقيقة هذا في نظر. قال اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم وأستغفرك من الذنب الذي لا أعلم. يعني قال الذي celui qui tombe dans ce shirk qui est khafi, c'est quoi sa kaffara? Comment il expie ce péché-là en disant cette chose-là? Fil haqiqa hada fi nadhar. Parce que pour sortir de cette chose-là, il faut faire tawba. Il y a une différence entre al-istighfar wa tawba. Demander le pardon et faire tawba. At-tawba, c'est haram. Toute personne qui a fait tawba, elle a fait istighfar. Lakin, c'est pas toute personne qui a fait istighfar qui a fait tawba. Parce que à Toba, ce qui est voulu ici, Toba Nasuha Yani. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait trois éléments. Nadama, le regret. Al-Azim, il a une fermeté à ne plus vouloir revenir sur cette chose-là. Tamam. Et Kazalika Al-Inqilaa, qu'il a délaissé ce péché-là. Il l'a mis derrière son dos. Amal Istighfar, c'est-à-dire qu'il peut avoir un regret. Et généralement, l'Istighfar, il est fait à partir d'un regret. Il regrette ces choses-là, donc il demande le pardon. Billisan. لكن الان est-ce que il a la fermeté de ne plus revenir sur cela? قد يكون وقد لا يكون. تمام. Il demande l'istighfar par rapport à ce péché là, lakin dans son cœur yani ممكن qu'il revient encore. اما توبة النصوحة il prend comme un عهد بينه وبين الله que خلاص ce péché là je l'ai enterré. تمام. اما ها هنا استغفر الله yani il met en avant le ضعف. Il a eu de la faiblesse yani, par rapport à cela. Lakin, dans son istighfar, il n'y a pas forcément yani, cette notion-là de plus vouloir revenir sur ce péché-là. Enfin, l'istighfar, yani, Allah subhanahu wa ta'ala peut lui pardonner ou pas. Amma tawba, si jamais les shurut ils sont réunis, Allah azza wa jalla yaghfiru, il le pardonne. Donc, yani, al-shirk est tout péché. Pour pouvoir être la kafara, l'expiation, c'est tawba. Al-istighfar, c'est un moyen. Comme Bartlofik, faire des bonnes hasanas, c'est un moyen de se voir expier, d'expiation des péchés. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, وَأَتْبِهِ أَسَيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا. Lakin, la personne qui tombe dans un péché, on ne lui demande pas pour qu'il soit expié de faire des bonnes hasanas. Lesquels nous demandent de voir Tawba. Fait Tawba, c'est l'expiation. Amal istighfar wa al-a'mal as-saliha, ça fait partie des moyens qui peuvent expier. C'est des moyens d'expiation. Amal Tawba, c'est l'expiation. C'est celui qui enlève le péché, qui l'efface. Amal celui-là, il peut l'effacer comme ne peut pas l'effacer. الشرك الأصغر معلوم ça fait partie des quoi des kaba'ir والعلماء قالوا الكبيرة لابد من التوبة. La kabira, pour qu'elle soit effacée, il faut tawbah. La buddhamin. Al-istighfar ma yakfi. Al-ahmal saliha la tukaffir. Comme comme dit subhanahu wa ta'ala, in tashtanibu kabaira ma tunhawna anhu, nukaffir ankum sayyatikum. Pour pouvoir être expié des péchés, il faut qu'il ait fait tawbah de kabira. Donc ça montre que al-ahmal saliha wa al-istighfar, il ne pardonne pas yani les grands péchés. Les grands péchés, il faut tawbah. Il y a une khulasa en achat, ou bien tous les grands péchés, il faut que c'est obligé qu'il fasse tawbah. Amara Hona, il nous explique que l'expiation du shirk al-asrar, qui est le plus grand des péchés, parmi les péchés qui ne font pas sens dans l'islam, c'est le plus grand. Et que ce péché-là peut être expié par l'istighfar. Adala. Excepté si jamais c'est voulu, astaghfiruka bimana tawbah. Parce que des fois, on peut évoquer l'istighfar bimana tawbah. Al-istighfar bimana tawbah. Parce que la personne qui a fait tawbah, la shak wa la raiba fi, elle a demandé l'istighfar. Des fois, c'est un peu comme l'islam et l'iman. Des fois, c'est évoqué l'istighfar et bimana tawbah. Excepté si jamais c'est voulu par là, tawbah. Amma l'istighfar, c'est-à-dire de dire astaghfirullah faqad bil lisan. Douna, sans qu'il ait la fermeté de délaisser ce péché-là ou bien de plus revenir. Al-istighfar, c'est juste qu'ils disent astaghfirullah faqad. Ils regrettent. Et il dit astaghfirullah. Lakin, est-ce qu'il a la fermeté de revenir ou pas? Ça, c'est une autre chose. Si jamais il a la fermeté, hada yusam tawba. On appelle ça tawba. Donc, shirk al-asghar wa kull al-kabira la budda min tawba. Wa qala huna qala a'udhu bika an ushrika bika shay'an wa ana a'lam. Hada azim. Tu sais et tu fais du shirk. Hada zambun azim jiddan. Comment peut voir? Inna shirka la zulm azim. C'est-à-dire que tu agrées d'être injuste envers Allah Azza wa Jal. Parce que le shirk, zulm azim. C'est la plus grande des injustices. Wa ana a'lam. C'est-à-dire, je fais la plus grande injustice et je sais que je suis le plus grand injuste. Yani, c'est un peu un tarafou, yani. Takabbur. Il a pas peur, yani. Il a pas peur. Il va à la confrontation, yani. Qala wa astaghfiruka min al-dhanb alladhi la a'lam. Hadha c'est muhim jiddan. Parce qu'il y a beaucoup de péchés qu'on fait. On a beaucoup de taqsir. Fait Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a des choses qu'on fait et on oublie même de demander l'istighfar sur des choses. Tamam. Ou bien il y a des choses dont on fait et on retarde la tawbah. Retarder la tawbah, c'est un péché. Comme l'a évoqué Ibn Qayyim rahimahullah. Parmi les conditions de la tawbah, al-isra, c'est-à-dire qu'il s'empresse de demander le pardon à Allah Azza wa Jal. Il a dit, rahimahullah ta'ala, si jamais il fait un péché et ensuite il retarde à tawbah, il a commis un, deux péchés, un autre péché. Donc là, il a deux tawbah à faire. La première des tawbah par rapport au péché qu'il a fait, et la deuxième tawbah par rapport au fait d'avoir retardé la tawbah. Et il dit, peu sont les personnes qui font attention à ces choses-là. Il pense que le simple fait d'avoir fait tawbah, même s'il est retardé, il est sorti d'affaire. Là. Il faut s'empresser. Tam. Summa yatoubouna min qarib, comme dit subhanahu wa ta'ala. Tam. Yatoubouna min qarib. Et ils font tawbah rapidement. Qala huwa rahimahullah, ça fait partie des conditions de tawbah. Fa, retarder la tawbah, c'est un péché. Tam. Astaghfiruka min al-dhanbi alladhi la a'lam. Comme le fait de retarder at-tawbah. Naam. Fa hadha ad-du'a shan du'a ka 'azim jiddan. Al-Sheikh Al-Albani huwa yalawak kali sahiha. Allahumma inna a'udhu bika an ushrika bika shay'an wa ana a'lam. Yani tu demandes parce que wa ma tasha'una illa an yasha' Allahu rabbul 'alamin. Yani une personne yani n'est pas à l'abri de faire ces choses-là. Donc on demande le refuge auprès d'Allah Azza wa Jalla de faire ces choses-là. Wa ma tawfiqi illa billah. Notre réussite à dépendre d'Allah Azza wa Jal. Donc là, il se met, il préserve sa personne avant de tomber dedans. Il demande une chose afin qu'il ne tombe pas dedans. On demande à Allah Azza wa Jal des choses afin de ne pas tomber dedans, ou bien on demande à Allah Azza wa Jal des choses pour qu'il ne sorte d'affaires. Des choses dans lesquelles on est tombé. Donc là, il n'est pas tombé dedans, lakin il veut qu'on mette un rempart entre lui et ce péché-là qui est azim jiddan. Qala wa astaghfiruka min al-dhanbi alladhi la a'lam. Et je te demande le pardon pour les péchés dans lesquels je suis tombé et peut-être que j'ai oublié, ou bien peut-être que j'ai ignoré, ou bien peut-être que j'ai retardé la tawbah. Donc je te demande de me pardonner par rapport à cela. فهذا سندعاك عظيم جدا. سندعاك عظيم جدا نعم. فهذا هو إن شاء الله تبارك وتعالى. فليس الكفر إن شاء الله. نصلي على زوجي وصحنا وياك.